Quand il la quitta, elle prit plusieurs lettres qu'elle avait sur la table et lui demanda s'il ne pourrait pas les mettre à la poste. Il les emporta et, une fois rentré, s'aperçut qu'il avait gardé les lettres sur lui. Il retourna jusqu'à la poste, les tira de sa poche et, avant de les jeter dans la boîte, regarda les adresses. Elles étaient toutes pour des fournisseurs, sauf une, pour Forcheville. Il la tenait dans sa main, il se disait « Si je voyais ce qu'il y a dedans, je saurais comment elle l'appelle, comment elle lui parle, s'il y a quelque chose entre eux. Peut-être même qu'en ne la regardant pas, je commets une indélicatesse à l'égard d'Odette, car c'est la seule manière de me délivrer d'un soupçon, peut-être calomnieux pour elle, destiné en tout cas à la faire souffrir et que rien ne pourrait plus détruire une fois la lettre partie. » Il rentra chez lui en quittant la poste, mais il avait gardé sur lui cette dernière lettre. Il alluma une bougie et en approcha l'enveloppe qu'il n'avait pas osé ouvrir. D'abord, il ne put rien lire, mais l'enveloppe était mince et, en la faisant adhérer à la carte dure qui était incluse, il put, à travers sa transparence, lire les derniers mots. C'était une formule finale très froide. Si, au lieu que ce fût lui qui regarda une lettre adressée à Forcheville, c'eût été Forcheville qui eût lu une lettre adressée à Swann, il aurait pu voir des mots, autrement tendre. Il maintint immobile la carte qui dansait dans l'enveloppe, plus grande qu'elle, puis, la faisant glisser avec le pouce, en amena successivement les différentes lignes sous la partie de l'enveloppe qui n'était pas doublée, la seule à travers laquelle on pouvait lire. Malgré cela, il ne distinguait pas bien. D'ailleurs, cela ne faisait rien, car il en avait assez vu pour se rendre compte qu'il s'agissait d'un petit événement sans importance et qui ne touchait nullement à des relations amoureuses. C'était quelque chose qui se rapportait à un oncle d'Odette. Swann avait bien lu au commencement de la ligne « J'ai eu raison », mais ne comprenait pas ce qu'Odette avait eu raison de faire, quand, soudain, un mot qu'il n'avait pas pu déchiffrer d'abord apparut et éclaira le sens de la phrase tout entière. « J'ai eu raison d'ouvrir, c'était mon oncle. » « D'ouvrir ?» Alors Francheville était là tantôt, quand Swann avait sonné, et elle l'avait fait partir, d'où le bruit qu'il avait entendu.